entre guerre et trahison. Notre monde en a perdu la raison. Chaque jour qui passe me rend plus fort et me rappelle ma mission. Rendre compte de mes objectifs afin de percer. Chaque seconde est un combat et je lève la voix comme un renégat. Décris ma vie au-delà de mes ruelles. Faut que ça casse les briques et pourtant j'ai la tonalité. On me reproche ma nervosité, mais dans ma jeunesse j'ai pas été assisté. Trop souvent au bord de la crise, mon esprit j'ai forgé avec un air de conquérant. Je veux faire avancer mon département en esquivant les embûches. La vérité n'aime pas trop qu'un étranger s'en sorte par la bonne porte. Élève-toi haut et la police vient frapper à ta porte. Et tes rêves ils s'emportent. Mon style faut que ça s'exporte et brise tes portes. Ma haine je la mets sur le compte de mon instabilité. Tu as mon milieu défavorisé. Entre guerre et trahison, notre monde en a perdu la raison. Entre guerre et trahison, tant de misère dans ce monde. Entre guerre et trahison, un grand nombre d'enfants a perdu quoi la vie. Entre guerre et trahison, les rêves ont disparu. Entre guerre et trahison, tant de misère dans ce monde. Entre guerre et trahison, un grand nombre d'enfants a perdu quoi la vie. Entre guerre et trahison, les rêves ont disparu. Entre guerre et trahison, tant de misère dans ce monde. Je reprends du service pour le syntax. Fax des fines phases en 5-5, flowing sur une bonne basse. Au gré des vents, des marées, je m'efforce sur de bonnes bases. Lutte pour la cause du bitume et des blocs. Instaure un langage parlé par les pauvres. Pour les miens, je cause sans faux semblant ni de flow à l'eau de rose. Écoule ma dope du bon hip hop pour que les dance floor explosent. Je pose, dose, inflige les sévices. Mon rap reste illicite. Ma mort subite fauche comme la bombe d'un terroriste comme James Brown. J'ai le feeling, persiste et sing sans chilling. Face aux politiques qui ont dans l'optique de nous faire cramer sur le grill, même si ça vire au rouge. Qui veulent qu'on se couche, je laisse les traites sur le banc de touche. Un 38 dans le holster avec une seule cartouche. Entre guerre et trahison, un grand nombre d'enfants a perdu quoi la vie. Entre guerre et trahison, les rêves ont disparu. Entre guerre et trahison, tant de misère dans ce monde. Entre guerre et trahison, un grand nombre d'enfants a perdu quoi la vie. Entre guerre et trahison, les rêves ont disparu. Entre guerre et trahison, tant de misère dans ce monde. J'ai connu mes frères dans la merde. Aujourd'hui j'emmerde, c'est ce qui arrive quand l'animal ne dort pas, rigole pas. Je me sens mal et j'ai mal nulle part. Sérénité, pérennité, pas facile de finir entier. Je veux savoir où je pose mes pieds. J'ai payé le prix fort, saigné jusqu'à l'os. Sorti le cross et je l'ai repris en pleine tronche. La crasse accroche à mes traces, envie de rompre qui se trompe. Menacer ma survie c'est comme donner envie de vous pendre. Vous, qu'avez la main mise sur tout, pleurez sur votre sort. Vous, ne stopperez pas mon élan. Une fois au front j'oublie mes souffrances. J'offense parce que tenace, mes rêves au placard. Les soirs de cafard, un tour dans mon histoire. Je reprends la marge, à charge de revanche. Considérez-moi comme sauvage, on savoure la rage dans l'art. C'est croire en ce qu'on fait toujours, pour habitude d'assumer nos choix. Entre guerre et trahison, seul le temps détient la raison. Entre guerre et trahison, un grand nombre d'enfants a perdu quoi la vie. Entre guerre et trahison, les rêves ont disparu. Entre guerre et trahison, tant de misère dans ce monde. Entre guerre et trahison, un grand nombre d'enfants a perdu quoi la vie. Entre guerre et trahison, les rêves ont disparu. Entre guerre et trahison, tant de misère dans ce monde. Toujours des guerres, des morts, des crimes. C'est le message d'actualité, changeant leur mentalité, leur stupidité.